Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Véronique Soulo au micro pour l'actualité culturelle des enfants en Île-de-France, bouquins, musique, chansons, spectacles, etc. Aujourd'hui, une émission très théâtre ou plus largement spectacle. D'abord avec Mathilde Lévesque, présidente de l'AFRELOS, Association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance, et qui pour sa chronique mensuelle reçoit aujourd'hui Sybille Lesourd, chercheuse spécialisée en théâtre contemporain. Ce sera dans quelques instants. Le Festival des rêveurs éveillés se déroule à Sevran à partir du 15 janvier. Et pour sa 20e édition, ce festival culturel pour tous les enfants de la ville de 3 à 6 ans fait son cirque, ou plutôt a choisi le cirque comme thème fédérateur de sa programmation. Coup de projecteur avec Evelyne Massoutre, responsable du festival, ce sera à 10h45. Et puis théâtre encore, mais cette fois-ci les arts de la marionnette. À découvrir à travers le beau livre « Le Paris de la marionnette au théâtre » réalisé par le Théâtre de la marionnette à Paris, qui témoigne de 20 ans de divers parcours artistiques. Présentation par Isabelle Bertola, directrice du Théâtre de la marionnette à Paris. Ce sera à 11h15. Et puis en fin d'émission, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Ce sera quelques minutes avant midi. Et puis des infos sur les spectacles, les livres et les CD qui viennent de paraître. Vous écoutez Aligre FM, nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Sven de Chartres qui assure la mise en onde de l'émission. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone 01 40 24 28 28 et puis le site aligrefm.org à partir duquel vous pourrez dans quelques jours écouter et télécharger cette émission. Et puis en ce tout début d'émission et en ce tout début d'année, nous faisons encore et toujours appel à votre soutien. Aligre FM est une radio associative, indépendante, qui dispose de peu de moyens mais de beaucoup d'énergie et dont les principales ressources financières proviennent de subventions. Subventions qui sont en train de fondre comme neige au soleil et donc nous sommes dans une situation de plus en plus difficile. Nous faisons donc appel à vous pour participer au fonctionnement de la radio. Si vous aimez écouter cette radio, si vous souhaitez la soutenir, merci d'envoyer votre don à Aligre FM, 42 rue de Montreuil, dans le 11e, à Paris. Mathilde Lévesque, bonjour. Bonjour, Véronique. Mathilde, présidente de l'AFRELOS, Association française de recherche sur les livres et les objets de l'enfance. Cette fois, je ne me suis pas trompée. Ah, il manquait juste le culturel pour ah le bon C. Si, je me suis trompée. Mais ce n'est pas très grave. Donc, votre chronique mensuelle, votre deuxième chronique mensuelle avec la rencontre avec des chercheurs. Exactement. Donc voilà, merci Véronique. Donc j'ai le plaisir de recevoir ce matin Sybille Lesourd, qui est jeune chercheuse en littérature pour la jeunesse. Alors, jeune chercheuse, un jeune chercheur, ça signifie non seulement que la personne n'est pas très âgée, ça j'avoue, mais que dans notre petit milieu scientifique, on désigne par là quelqu'un qui poursuit ses études de doctorat, qui n'a pas encore soutenu sa thèse, donc qui est encore inscrit en troisième cycle universitaire. Et Sybille Lesourd est effectivement en train de mener ses recherches de thèse à l'université Paris 4, c'est-à-dire la Sorbonne. Vos recherches, Sybille, portent plus particulièrement sur le théâtre contemporain pour la jeunesse. Alors, qu'est-ce qui conduit un étudiant, avant d'être vraiment chercheur, vous avez été étudiante, vous êtes toujours un petit peu inscrite donc à l'université. Qu'est-ce qui conduit une étudiante vers la littérature pour la jeunesse? C'est vrai que ce n'est pas forcément attendu et que j'ai commencé par faire des études très classiques en littérature, en hippocagne et puis en cagne à Louis-le-Grand. Donc on n'étudie absolument pas la littérature pour la jeunesse. Malheureusement. Malheureusement, ça viendra peut-être. On peut rêver. Oui, voilà. Et puis moi, j'étais spécialiste de philosophie à l'époque, donc ce n'était pas forcément la direction à laquelle on aurait pu s'attendre. Mais il se trouve que quand je suis entrée à l'ENS, d'abord j'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement à la littérature. Et j'ai eu la chance de suivre les enseignements d'une professeure qui s'appelle Déborah Lévy-Bertera, qui donnait des cours à l'école normale sur l'enfance, sur des auteurs qui s'intéressent à la psychologie intéressée. Et à cette époque, je me suis dit que j'avais envie de commencer une recherche qui concernerait la littérature et l'enfance. Et ça s'est concrétisé très vite, puisqu'en maîtrise, j'ai eu envie de faire un travail de recherche qui concernerait trois auteurs de 19e et de 20e siècle, qui seraient Nathalie Sarraute, Valérie Larbeau et la comtesse de Ségur. Mmh. Oui. Ce qui n'était pas forcément attendu, de regrouper ces trois auteurs-là pour de une fait, recherche. Oui. Voilà, c'était un peu osé, paraît-il. Oui. Et moi, je ne voyais pas du tout le problème. Je trouvais ça très intéressant et très bien de confronter sur cette question de la psychologie et du point de vue de l'enfant dans un texte littéraire des auteurs d'époques variées et qui avaient certains destinataires enfantins et d'autres pas. Et ça me semblait tout à fait intéressant. Ce que vous dites est important et je pense que j'ai une toute petite parenthèse pour saluer le travail de notre collègue Déborah Lévy-Bertera à l'École Normale Supérieure qui est maître de conférence en littérature comparée et qui effectivement a ouvert une porte aux enseignements de la littérature d'enfance et de l'enfant dans la littérature. Et une autre, deuxième parenthèse juste pour signaler qu'effectivement on n'enseigne pas encore la littérature de jeunesse peut-être à Louis le Grand, mais qu'à l'université de Paris 13, où j'enseigne, et où une hippocagne et une cagne dite passerelle avec le lycée d'Anguin vient de s'ouvrir, eh bien, les étudiants auront droit dans peu de temps à quelques cours de littérature de jeunesse. Donc, c'est voilà. Très bien. Voilà, donc je tout avance. Tout avance, et oui, petit à petit. Dans ce domaine-là, ouais. Oui. Alors, mais comment passer de Valérie Larbeau contemporain? Il y a quand même un pas là. Il y a un pas. Attention particulièrement de faire de la recherche en littérature enfantine, j'avais l'envie d'enseigner, c'était ça ma priorité au départ. Et puis il se trouve que à la fin de l'ENS, j'ai pas la question de savoir si j'allais enseigner tout de suite ou me mettre en recherche et sur quoi. Et je savais pas très bien à l'époque. Et puis il y a une expérience qui a beaucoup compté dans ma vie à ce moment-là, c'est que j'ai fait partie d'une troupe théâtrale qui montait un projet autour d'Édipe Roy. Sous la mise en scène de Michael Oliou-Barton, participait aussi au projet Un enseignant de la Sorbonne, Denis Guénoun, qui est un peu mon mentor en théâtre et philosophie à Paris 4. Et donc, moi, j'ai eu la chance de faire partie du chœur d'Édipe, ce qui était une expérience très singulière, dont je n'avais pas l'habitude. J'ai toujours fait beaucoup de théâtre dans ma vie, depuis l'enfance. J'ai des parents qui m'ont pas mal attirée dans cette direction. Et là, c'était l'occasion d'avoir un rapport au théâtre assez nouveau pour moi, très corporel, lié au chant, lié à un groupe d'acteurs qui se forment ensemble et qui apprend à se connaître et à jouer dans des lieux extrêmement différents, aussi bien dans des salles très atypiques que dans des lieux extérieurs, en forêt, etc. Et bref, cette expérience m'a énormément marquée et m'a ramenée au théâtre dans toute sa force et sa puissance vitale. Et ça m'a donné envie d'y revenir aussi dans ma réflexion, etc. Donc dans la recherche. Dans la recherche, oui, voilà. Et comme à cette époque, j'étais en train de réfléchir sur la littérature de jeunesse, je me suis dit, mais au fait, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas moyen d'accrocher là une vraie réflexion un peu nouvelle qui concernerait un théâtre écrit pour les enfants? Et il se trouve que moi, quand j'étais enfant moi-même, je fréquentais une librairie théâtrale à Lille, je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais, et on y allait avec mes parents pour chercher des textes pour leur compagnie amateur, etc. Et bon, eux cherchaient dans un certain répertoire, et moi, je quittais de ça, de là, ce qui pouvait bien m'intéresser. Je lisais beaucoup de théâtre pour adultes, parce que du théâtre pour enfants, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, bon, il y avait quand même la libraire, Janine Pillot, qui s'intéressait à moi, et qui me disait, tiens, regarde, là-bas, va voir, il y a peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Et il y avait un rayon tout à fait misérable de théâtre pour enfants, où il y avait quand même les premiers textes d'Olivier Py, mm-hmm. qui donc étaient des réécritures de contes de Grimm. Et puis, un auteur qui m'a beaucoup, beaucoup fascinée quand j'étais enfant, qui est Bruno Castan, qui lui aussi était un peu spécialiste de réécriture de contes. Et voilà, donc ça m'avait laissé des souvenirs très forts. Je suis un petit peu retournée dans cette librairie, à l'occasion de ce moment où je me posais beaucoup de questions sur ce que j'allais faire. Et là, j'ai eu une sorte de grande surprise un peu émerveillée, c'est-à-dire que je me suis trouvée d'un coup face à plusieurs rayons, pas du tout maigres, qui concernaient la littérature théâtrale enfantine. Et donc je me suis dit, waouh, ça a grandi avec moi en même temps que moi, peut-être que ce serait beau d'aller se frotter à ça et d'aller découvrir ça d'un peu plus près. Alors concrètement, quand on fait de la recherche sur le théâtre contemporain pour la jeunesse, comment travaillez-vous ? Est-ce que vous allez chercher des textes comme ça ? Vous travaillez sur des textes qu'on peut trouver en librairie, par exemple, hein, dans les librairies spécialisées ? Ou est-ce que vous allez à la rencontre des auteurs ou des publics ? Comment ça se passe concrètement, une recherche sur un sujet qui, effectivement, est assez peu répandu, hein, dans notre domaine, qui est le théâtre contemporain pour la jeunesse. Déjà, faire la littérature pour la jeunesse, bon, on est déjà un petit peu à la marge, mais alors, si on est sur les théâtres contemporains, comment ça se passe ? Bon, alors, il apparaît assez facile au départ, surtout quand on a une habitude d'études littéraires, ce qui était mon cas, d'aller chercher des textes. Et c'est, comme je vous disais, la première chose que je suis allée faire. Et effectivement, les premières thèses, parce qu'il y en a qui travaillent la question de la littérature de jeunesse, sont allées chercher un corpus de textes qui ont été mis en lumière par Marie Bernanos, qui est maître de conférence à Grenoble en particulier. Donc voilà, prennent une centaine de textes et puis brassent cette matière-là pour essayer de comprendre en quoi les dramaturgies pour la jeunesse sont soit singulière, soit représentative finalement du théâtre contemporain en général. Donc au départ j'ai un peu fait ça. Et puis j'avais un sentiment d'insatisfaction parce que j'avais l'impression qu'il manquait un peu cette vie particulière du théâtre dont je vous parlais. Et je me suis dit, bon, la chose la plus importante c'est aussi d'aller au spectacle. Et c'est ce que j'ai fait ensuite. Donc j'ai découvert les spectacles de Sylviane Fortunier et Philippe Dorin, la compagnie pour ainsi dire. J'ai découvert Christian Duchange, j'ai découvert Joël Pommerat, la compagnie Louis Brouillard. Ça a été mes grands premiers chocs au niveau du spectacle jeunesse. Et je dois dire qu'à la base, j'y ai trouvé presque, même c'est sûr, beaucoup plus de satisfaction que dans la lecture, proprement parlée, des textes de théâtre, parce que je comprenais mieux ce qui se passait au fond, et en particulier dans la relation entre un spectacle et son public. Et moi, c'est ce qui m'a toujours beaucoup intéressée, c'est-à-dire le rapport singulier qui est recherché entre les créateurs, les comédiens, et puis d'autre part, le récepteur, le destinataire, l'enfant. Et quand je me suis mise à observer ça, j'étais littéralement fascinée. J'ai passé des jours à aller voir les mêmes spectacles plusieurs fois pour observer ce qui se passait, les changements d'une représentation à l'autre, ce qui pouvait bien se passer. Et je me suis dit que oui, il y avait quelque chose à rechercher de ce côté-là. Et puis j'ai commencé à interviewer, bien sûr, à aller rencontrer les comédiens, les metteurs en scène et puis les auteurs, finalement, pour savoir ce qui les avait amenés, eux, à entrer en création en direction de l'enfance. Et j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à me confronter à ça. Et très vite, j'ai compris que pour comprendre ce qui se passe, même au niveau des dramaturgies et au niveau des textes, il ne faut pas se priver du va-et-vient constant entre ce qui se passe sur la scène et ce qui se passe dans les textes. Puisque finalement, un texte de théâtre, souvent, ça se nourrit d'un processus de création qui, à la base, se passe sur un plateau, voire éventuellement dans la confrontation avec le futur destinataire. Il y a beaucoup de travaux qui sont menés en amont par les créateurs en faisant... soit en faisant écrire les enfants, soit en dialoguant avec eux pour comprendre quelles sont leurs préoccupations fondamentales. Donc tout ça est extrêmement important. Et puis, il se trouve aussi qu'une chose qui m'a aidée, c'est d'étudier l'Italie, parce que je me suis mise aussi à faire de la recherche en direction du domaine théâtral italien. Et en Italie, ma surprise, il y a très peu d'éditions théâtrales, il y a très peu de textes de théâtre pour la jeunesse. Il n'y a pas... Finalement, ce n'est pas le cœur du problème lorsqu'on se confronte à la question du théâtre jeune public en Italie. Et du coup, par contre-coup, ça m'a aidé aussi à désacraliser, d'une certaine façon, l'approche textuelle aussi en France et de comprendre que l'enjeu, c'était aussi ce qui se passe sur un plateau. Surtout quand on essaie de remonter dans le temps, ce qui a été une préoccupation très tôt dans ma recherche, de comprendre comment le théâtre jeune public est né, de quoi, pourquoi. Et voilà, à l'époque, ce n'est pas une question de texte. Il y a une explication à cette absence ou cette relative absence d'édition de textes de théâtre pour la jeunesse en Italie ? Alors, il y a plusieurs choses. Une question culturelle économique de l'Italie peut l'expliquer en grande partie. Mais c'est peut-être pas seulement ça, il y a aussi des raisons culturelles, des raisons historiques. L'Italie, bon ben, est fille de la commedia dell'arte, du canevas, du texte support qui permet le jeu mais aussi l'émancipation. Et ça, c'est très récurrent dans le discours des créateurs de théâtre pour la jeunesse en Italie. Il a les puisés, etc. Ils sont beaucoup plus friands d'une création qui part de leur propre compagnie, avec une pluridisciplinarité, etc., où le texte n'est qu'un élément parmi d'autres, parfois pas fondamental du tout. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu des tentatives en Italie de faire naître des répertoires de textes. Et en particulier, j'ai eu la chance de rencontrer Emiliano Schmidt-Fiori et Federica Iacobelli, qui sont deux personnes très intéressantes, qui ont essayé, qui se sont dit « Tiens, il n'y a pas de théâtre écrit en Italie, mais c'est par un manque, un défaut de connaissance. » Ce qu'on peut faire, c'est essayer de faire une sorte de greffe, c'est-à-dire nous qui connaissons le théâtre tel qu'il se pratique en France, aller éditer, traduire des textes qui existent, qui sont publiés chez Actes Sud en France, les importer en Italie, et à partir de là, une fois qu'il y aura connaissance, que ces textes seront montés par des compagnies, essayer de susciter un développement parallèle de création théâtrale de la part des professionnels du théâtre italien. Tentative qui n'a pas énormément marché, d'ailleurs. Oui. C'est intéressant parce que c'est à peu de choses, la création en Italie. Donc c'est intéressant comme démarche. Donc, dans votre recherche, vous croisez études des textes et rencontres aussi avec les publics ou études de la relation entre la création et la réception par le public. Alors, plus précisément, sur quoi portent vos recherches, votre sujet de thèse? Alors, ce sujet que j'ai précisé au fur et à mesure... Alors, au départ, moi, ce qui m'intéressait, c'est la création jeune public. C'est-à-dire que, au fond, ce qui me fascinait dès que je voyais des spectacles, dès que je lisais un texte, c'était de comprendre, finalement, où se cache l'enfant. Mmh. Où est-il? Est-ce qu'il n'est nulle part? Est-ce qu'il est partout? Est-ce qu'on peut le saisir? Est-ce qu'on peut deviner le profil d'un enfant lecteur? Est-ce qu'on peut deviner, cerner un enfant spectateur dans la façon dont justement le spectacle cherche à capter ou pas l'auditoire? Est-ce qu'il y a des enfants personnages? Pourquoi? À quoi ça sert? En gros, c'était ça. C'était cerner l'endroit où se niche finalement l'enfant, parce que la question du jeune public est une question très, très problématique, très tendue. Et plus j'interrogeais des professionnels du spectacle jeune public, plus j'étais, au début contrariée et puis finalement très amusée par l'agacement que je sentais dans leurs réponses aux questions que je leur faisais sur « mais pourquoi le jeune public ?» Bon, cette fameuse question dont tout le monde cherche à se débarrasser finalement, parce que c'est comme si on avait l'intention de dire « bon, bah, j'écris pour tout le monde, il se trouve que là, oui, j'ai écrit pour le jeune public, mais c'est pas ça qui est essentiel, etc. » J'avais fini par me dire « oui, peut-être que c'est pas ça l'angle d'attaque idéal, peut-être que je devrais mener une réflexion sur l'espace, le temps dans le théâtre jeune public, etc. » Puis je me suis dit non, c'est quand même dommage d'évacuer totalement cette question de pourquoi l'enfant, c'est quoi l'enfant. Et on va continuer, on va persévérer, on va essayer de trouver quel est le nœud du problème. Et c'est intéressant parce que la définition de jeune public est précisément ce qui chatouille, ce qui fait question, fureur ou bien bon, chez les créateurs. Ça peut aller très loin. Il y a un directeur de théâtre du Jura qui s'appelle Laurent Coutouli, c'est la scène conventionnée de l'Arche de Bétoncourt, qui a écrit un texte pour redéfinir le jeune public selon des critères tout à fait nouveaux et audacieux, qui est de dire que le jeune public, c'est pas forcément un enfant, pas du tout, c'est le spectateur novice, c'est-à-dire c'est celui qui n'a pas les codes théâtraux, qui n'a pas les codes culturels qui lui permettent d'aborder l'expérience théâtrale. Et donc, bon, ben voilà, y a un travail spécifique à faire pour attraper ce spectateur-là. Mais donc, jeune public, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est de tel âge à tel âge? Bon, c'est des questions que je n'ai pas voulu trancher moi-même, parce qu'il me semble que ce sont elles qui font tension dans le secteur jeune public, et que si j'avais moi-même décidé que j'étudiais à partir de tel âge, etc., ça aurait été une erreur, parce que c'est là que gît le lièvre, si vous voulez. Vous êtes sur Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin avec Mathilde Lévesque, présidente de la Frelos, et qui reçoit ce matin Sybille Lesourd, jeune chercheur, comme on dit. Oui, alors jeune chercheur, donc spécialisée en théâtre contemporain pour la jeunesse, mais également créateur, créatrice, auteur, auteureux. Alors, j'ai toujours un problème. Autrice, chercheur, chercheureux. Non, autrice, non. Non, c'est pas très joli. Bon, alors, bon. Enfin bon. Moi, je dis auteur. Auteur. Allez, Anne pour auteur. Auteur de textes de théâtre. Alors, comment se conjuguent, si elle se conjugue, ces deux facettes, ces deux dimensions? Ma foi, elle se conjugue. Elle se conjugue plutôt bien. Bah, disons que c'était une sorte d'aubaine pour moi d'avoir cette possibilité de faire à la fois un travail de recherche et puis un travail de création. Et je pense que quand on travaille en direction de la jeunesse, ça se conjugue particulièrement bien. Et en fait, quand j'ai commencé, bon, j'ai toujours écrit, disons, ça c'est une constante dans ma vie. Et quand j'ai commencé à faire mon travail de recherche sur ce théâtre contemporain pour la jeunesse, comme ce qui m'intéressait finalement, c'était le geste artistique, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un créateur se tourne vers l'enfant et qu'est-ce que le fait d'avoir en ligne de mire un jeune public va changer dans son processus de création, dans les moyens qu'il va mettre en œuvre pour arriver à un texte théâtral ou à une mise en scène. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne me frotterais pas moi aussi à cette question-là? Pourquoi je ne me mettrais pas moi aussi à essayer de mettre en œuvre une création pour les enfants? Donc vous mettez finalement au centre des processus ou au cœur des processus que vous étudiez en tant que chercheur? Que je m'apprêtais à étudier, voilà, en fait, ouais. Parce que j'ai commencé ça extrêmement tôt et c'était aussi important pour moi, je pense, de commencer à un moment où mon cerveau n'était pas encore trop accaparé, trop pollué par toutes sortes de démarches dont j'aurais connaissance finalement très vite. Je me suis dit que j'avais envie de voir ce qu'instinctivement j'aurais fait moi-même pour avoir ensuite finalement un angle de comparaison avec la démarche des autres. Bon, ça c'est le prétexte scientifique. Ensuite, c'est aussi que j'en avais très envie, simplement. C'est une très bonne raison. Oui. Et puis, il se trouve qu'à cette époque-là, j'ai fait une rencontre qui est aussi très importante. C'est celle de Delphine Biard, qui est une comédienne qui fait partie d'une compagnie qui s'appelle Le Troupeau dans le Crâne. Et qui gravitait un peu autour de l'école normale supérieure parce qu'elle travaillait avec un ami à moi, Hervé Charton. Et je l'ai vue dans une pièce de théâtre. On a discuté ensuite. Et elle me dit qu'elle est sur le point de monter un spectacle pour les enfants, d'après Blaise Sandrars. Et donc, elle a envie de travailler sur les feuilles de route de Sandrars et de monter un spectacle. Et je lui dis, tiens, c'est marrant, moi, il se trouve que j'ai envie de faire une thèse sur le théâtre jeune public. Mais peut-être qu'on pourrait trouver le moyen de travailler ensemble. Je pourrais observer ta création. Bon, ça part comme ça. Et puis je me rends compte qu'observer, c'est très bien, mais que j'ai envie, il y a quelque chose d'autre qui titille en moi, que j'aimerais bien créer. Et du coup, je reprends un café avec Delphine et je lui dis, tu sais, j'ai une idée qui me trotte dans la tête, ce serait peut-être de faire un atelier de recherche. Alors, entre parenthèses, les cafés sont très importants dans la vie des chercheurs. Très important, je confirme. Énième parenthèse. Et donc, on prend ce café et je lui dis, voilà, moi, ce qui me ferait bien plaisir, c'est de faire un atelier de recherche expérimental où, voilà, on se prend des plages horaires assez longues et on essaie de travailler, d'improviser, de voir ce que ça peut être de créer pour le jeune public. Et alors, moi, c'était une idée qui était un peu théorique, on va dire, cet atelier de recherche. Et Delphine, ce qui est bien, c'est qu'elle a un sens pratique très aigu. Et que donc, elle m'a dit, ah bah oui, tu veux faire un atelier de recherche, eh ben, je te ramène plein de gens. Et elle m'a ramené des gens super, elle m'a ramené toute une équipe de comédiens qui avaient plusieurs cordes à leur arc, parce qu'il y avait une clown, il y avait une contorsionniste, il y avait un mime, il y avait une italienne, c'est important aussi les italiens, et bonjour Rossella. Et du coup, c'était une petite équipe avec laquelle travailler dans une perspective assez pluridisciplinaire. Et il se trouve que la pluridisciplinarité, c'est une constante du spectacle jeune public pour des raisons qu'on pourrait développer, mais voilà. Donc on se retrouve à travailler ensemble. Et moi, très vite, je me sens l'envie de travailler sur le thème du temps qui passe. Alors j'ai découvert plus tard que c'était pas quelque chose de très original finalement, parce que quand on veut s'adresser à l'enfant très vite, pour beaucoup d'auteurs ça appelle des thématiques existentielles, ça appelle d'aller rechercher ce qui est le plus enfoui, le plus lointain, les mystères des origines, etc. Et bon, ça n'a pas manqué, c'est les choses qui ont résonné le plus tôt en moi et que j'ai eu envie de développer avec ces gens. Voilà comment est né le projet qui a débouché sur une première création un an plus tard, qui s'appelle Le Gargouillis des étoiles, voilà. Qui était un spectacle jeune public. Oui. Vous avez écrit le texte, oui. C'est ça? Oui, oui. Et donc, c'est le résultat de cet atelier dont vous parlez. Oui. Est-ce qu'il y a eu des éléments pour votre recherche par cette expérience? En quoi cette aventure a pu nourrir votre parcours, votre travail de recherche? Alors, à plusieurs égards. Bah, d'abord, parce que ça m'a permis concrètement de rencontrer des enfants pour la première fois. De rencontrer, c'est une façon très, très naïve de dire, mais c'est-à-dire d'aller à la rencontre d'enfants très jeunes d'ailleurs, c'était des enfants de 4 ou 5 ans, et de nouer des dialogues avec eux, de les interroger sur leur perception du temps. Donc en amont de l'écriture. En amont de l'écriture, voilà. Bon, bah, ça c'était important, je pense, pour ma recherche aussi, pour comprendre que quand on se. Ce qui est intéressant finalement, dans le jeune public, c'est que c'est pas une abstraction. C'est-à-dire que c'est pas j'écris pour la jeunesse. Bon, qu'est-ce que c'est la jeunesse? C'est j'écris aussi pour des enfants précis et j'ose aller les rencontrer. On s'aperçoit souvent quand on interroge les parcours des écrivains pour la jeunesse que ce qui a motivé leur départ en écriture, c'est le fait d'avoir eux-mêmes un enfant ou de se trouver d'une façon ou d'une autre confronté à des enfants singuliers. Mais il y a aussi évidemment le rapport avec l'enfant qu'on a été et l'enfant qui est au fond de nous. Et ça, c'était justement le double versant du travail que j'ai mené avec la compagnie, qui étaient des acteurs très jeunes, des acteurs qui avaient mon âge, donc environ 23 à 25 ans à l'époque. Donc c'était à la fois d'aller rechercher en eux cette part d'enfance qui était pas loin, mais qui était quand même un peu disparue, et puis en même temps de mener avec eux des rencontres avec des enfants tout jeunes pour dialoguer avec eux. Il y avait ce double aspect. Et alors, votre thèse est encore en cours. Est-ce oui. qu'il y a je sais que c'est une question horriblement difficile et affreuse à poser, mais un horizon approximatif Oui, absolument. Il faut décider, de toute façon. Il faut décider. Bah, en fait, oui, ce qui est difficile dans ma thèse, c'est que il y a deux aspects. Il y a la recherche historique que j'essaie de faire remonter aux années 70. Et du coup, bon, là, il y a un moment où la recherche d'archives se clôt. C'est-à-dire qu'on a fait le tour de ce qu'on va arriver à trouver, à dégager. Et ça, c'est facile, entre guillemets. Ce qui est plus difficile, et en tout cas beaucoup plus pervers dans ma recherche, c'est que je travaille aussi sur l'immédiatement contemporain, et ça me plaît beaucoup, pour des raisons assez évidentes. C'est que finalement, les seuls spectacles que je parviens à avoir sous les yeux, c'est ceux qui se jouent aujourd'hui, puisqu'il y a extrêmement peu de captations filmées des spectacles qui ont lieu par le passé. Du coup, il y a cette tentation très, très, très perverse qui est de toujours prolonger plus avant l'étude parce qu'on pourrait toujours trouver un nouveau spectacle qui révolutionne littéralement la conception qu'on avait du théâtre pour la jeunesse. Et du coup, en accord avec ma directrice de thèse qui aime bien cette flamme de recherche que j'aime et qui cherche aussi parfois à la canaliser, on a décidé que ma recherche de terrain s'arrêterait cette année, en juin, ce qui correspond à la fin de mon allocation de recherche. Donc, à cette période merveilleuse où j'ai pas mal de temps à disposition pour observer et ensuite j'espère qu'il me faudra un an pour faire la synthèse de tout ça. Donc voilà, ce serait l'horizon rêvé, ce serait dans un an et demi. Voilà, donc un an pour rédiger encore après, donc d'ici 2012, ouais. C'est ça à peu près. Voilà, ouais. c'est le but. C'est la durée normale pour une thèse? 4 ans. Oui, c'est une durée très raisonnable, je dirais. Merci beaucoup, merci. Sybille Lesourd, d'être venue ce matin et d'avoir parlé avec beaucoup d'enthousiasme de vos recherches et de vos travaux. Est-ce qu'elle a un titre, déjà? La thèse? Oui. Non, je ne vais pas révéler tout de suite ça. Nous n'aurons pas droit au chevalier paysan du théâtre. Non. Voilà. Mathilde, on continue avec des informations? Oui, deux, trois informations concernant effectivement la recherche en littérature et culture d'enfance. Tout d'abord, pour signaler une publication intitulée « Des mondes de papier, l'imagerie populaire de Wissembourg », un ouvrage publié par les musées de la ville de Strasbourg sous la direction de Malou Schneider, conservateur du musée alsacien, et de Dominique Lersch, chercheur associé au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines. Alors cet ouvrage est consacré à l'entreprise de Wissembourg, qui est peut-être un petit peu moins connue que celle d'Épinal, mais qui est devenu au XIXe siècle un des grands centres d'impression d'images en Europe, avec une production tout à fait conséquente. Donc dans cet ouvrage, qui n'est pas uniquement consacré à la culture d'enfance. Il y a plusieurs chapitres consacrés à cette culture enfantine quand l'entreprise de Wissembourg va chercher finalement tous les moyens créatifs pour retenir l'intérêt des enfants et des parents. Et donc, plusieurs études et textes sont consacrés à l'imagerie autour des petits soldats, des contes et légendes, comme la fameuse légende de Geneviève de Brabant, très connue au XIXe siècle. Moins de nos jours, pour mais on devrait, on devrait. Des constructions, des maquettes à découper, des personnages exotiques, des planches pédagogiques et des jeux et des jouets. Donc cet ouvrage, qui s'intitule « Des mondes de papier, l'imagerie populaire de Wissembourg », à 256 pages avec 300 belles illustrations en couleur et coûte 40 euros. Autre information concernant un colloque, cette fois-ci, organisé à l'université d'Artois, à Arras, sur les bandes d'enfants, qui aura lieu les 3 et 4 février prochains, donc à l'université d'Artois, à Arras. Un colloque organisé par Evelyne Toiset et qui aborde la thématique des bandes d'enfants sous l'angle non seulement littéraire, mais aussi historique, selon plusieurs perspectives. Donc, que ce soit les bandes d'enfants dans l'histoire et dans la guerre du XVIIe au XXe siècle, également la question de la violence et de l'expérience du mal, enfants de troupes, enfants criminels, etc. Mais plus réjouissante, les bandes d'enfants rêvées ou fantasmées dans l'histoire, la littérature ou le cinéma, et puis plus spécifiquement les bandes d'enfants dans la littérature de jeunesse. Ça va être passionnant, ça va nous renvoyer à Paul Bernat et son cheval sans tête. Je pense qu'on sera abordé. Alors donc c'est, je répète, donc les 3 et 4 février prochains à Arras, colloque sur les bandes d'enfants. Une dernière petite information. Donc, concernant plus directement les activités de notre association de chercheurs, donc l'AFRELOS, l'association française de recherche sur les livres et les objets culturels de l'enfance, qui organise à l'École normale supérieure un séminaire qui a lieu chaque mois. Et la quatrième séance de ce séminaire aura lieu le samedi 22 janvier de 10h à 13h. Donc à l'École normale supérieure, 45 rue d'Ulm, en salle Beckett. Alors ce séminaire qui a pour thématique générale les transferts, les traductions et les adaptations est un séminaire interdisciplinaire qui est ouvert à tous, chercheurs, étudiants, bibliothécaires, enseignants ou simplement des curieux qui s'intéressent à la culture et à la littérature d'enfance. Donc c'est une entrée libre, gratuite. Dans la limite des places disponibles, comme on dit. Voilà. Alors, la séance du samedi 22 janvier s'organisera autour de deux interventions. Tout d'abord, Marie-Pierre Litaudon viendra nous parler des traductions chez l'éditeur de Tours MAM au XIXe siècle, en étudiant, surtout du côté des traductions venant de l'anglais, les spécificités éditoriales et les politiques de traduction spécifiques à cette maison. Et puis Pauline Pujot, qui est aussi jeune chercheur, viendra parler des traductions et des réécritures des histoires universelles pour enfants entre la France et l'espace germanophone à la fin du XVIIIe siècle. Pointu, pointu, pointu. Très pointu, mais qui se promet d'être tout à fait passionnant. Donc je répète, c'est le séminaire de l'AFRELOS à l'École normale supérieure. Samedi 22 janvier à 10h, 45 rue d'Ulm, en salle Beckett. Et bien sûr, Mathilde, vous rappelez l'adresse du site internet. Toutes les informations dont je viens de vous parler, ainsi que toutes les activités de l'association, sont sur le site internet magasindesenfants.hypothèse.org. Merci beaucoup, Mathilde. On vous retrouve dans un mois exactement. Et cette fois-ci, on parlera de quel sujet ? Eh bien justement, on parlera de cet éditeur MAM, cet éditeur de Tours, avec Cécile Boulaire qui a coordonné un immense et passionnant projet de recherche depuis bientôt 3 ans et qui viendra nous parler de la phase finale, colloque et exposition autour de MAM. Merci beaucoup. Merci Véronique.